connu. J'suis plein de nerfs, j'crois que j'vais changer de nuit. Mais ça fait maman, maman, maman quand des fois on s'parle pas, papa. Oh la la la la, t'as pleuré, la la la la. Va voir ailleurs. Si elle t'aime plus, si elle t'envoie tordu, va voir ailleurs. Tu vois que c'est la bonne, c'est quand y'a des mecs, elle regarde ailleurs. Si les gens m'aiment là parce qu'ils voient des gadis, va voir ailleurs. Si elle voit que tes yeux, si elle voit que ta voiture, oh, va voir ailleurs. Ah, pas les fidèles. Après soi-disant